Bon anniversaire, ma chère Radio Taïga. Bon anniversaire, Radio Taïga. Bonne fête, Radio Taïga. Radio Taïga, je souhaite un joyeux anniversaire. Fête Radio Taïga. Taïgo, bonne fête Radio Taïga. Notre radio. Joyeux anniversaire, Radio Taïga. Joyeux anniversaire, Radio Taïga. Bonne fête, Radio Taïga.